Radiomatique. C'était sur la courte pièce Bastaya, composée par le groupe Voz Propia, que s'ouvrait la transmission 493 d'Audiomatique. La pièce est tirée du plus récent album intitulé Bicentenario, paru en 2022. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste français 16 d'assurer la continuité à Audiomatique. C'est moi, le torero, qui remue dans la plaie. Je serai le couteau. Rien ne sert de t'enfuir. Je te rattraperai. Nous viendrons te chercher. We'll transformation. Thank you. Nous avions droit à Audiomatic, bien sûr, à Bjork, de son album Vulnicura Strings, qui comprend des réinterprétations pour instruments à cordes des pièces, se retrouvant sur son 9e album studio Vulnicura, paru en 2015. Nous entendions la chanson Atom Dance, sur laquelle participait le chanteur Anthony Hegarty, qui faisait partie du groupe Anthony and the Johnsons et qui est maintenant une chanteuse connue sous le pseudonyme de Anoni et qui fait partie du groupe Anoni and the Johnsons. Et précédemment à Bjork, il s'agissait du chanteur français Damien 16 et la chanson « Comme une ombre », extraite de son 3e album « Debbie », sorti en 2004. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique du Chief Adjoa, actuel pseudonyme du compositeur américain Christian Scott. Create all man. woman. Reflection of cosmic radiance. Incandescent earthly mother and mirror to our universe. Birthing all color. The credulous condemned her. Believing her to be as baseless as the phallic gods conjured to replace her. She is the unyielding, unrelenting, unbroken, undying mother of all who came to be. The inescapable beginning and ending of the sacred equation, that is you and me. Sovereign to your actual universe, root to all persuasions. Goddess, empress, chiefess, black girl, birth all nations. She calls collect after torching and liberating a border town, ICE facility, home of children in cages, Kevlar armor, and forced hysterectomy. In the aftermath of ashes, the credulous thought to bind her, undermine, castigate, malign her, break and blind her, but can you hear her call? Shoshone, Atacapa, Edo, Torak, Toma, Shanghai, Aluku. There was a man who took a stand, did what he can to build anew. Chief of the land, blood of sand, Samaka, God, Wusulu. Mao, Mao, Maori, Egbe, Igbo, Olmec, Aztec, Sioux. Thank you. bigoted land will you ever see. Still tethered to her mammary gland, what you planned, golden hand, could never truly be. We do not fear the man, the hooded clan, the law, the gunman, or the goddamn blue. Phantoms, barren, baseless, bowed your hook as little old you. Standing there now, pretending to be sleeping. Land of the captured, home of the fearful. The civilized. To be sleeping. Land of the captured, home of the fearful. The civilized. Forts on the running room full of lies. Broken, disconnected, ignorant, and in fear of breaking water. To slaughter. Destiny's manifest clan, destined plan to burn the world anew. Never once looking around to see all the love that could truly be. Fearful now, feigning love for the mother in me. Results of your true nature, cast electorally. So your fears pheromone, or brother Harmonia, smell you from a mile away. Colonial fear tolerate, you no longer plague and famine when you're near. Death dealing terrorists, bully pulpit profiteer. Curriculums of hate you give, children you hold near. Kill the ones who teach us love, the ones whose vision is clear. Hindsight's 20/20, but the verdict's still unclear. I think you can't outrun the fires born of the violence you've endured. Can't outrun those fires of your yesteryear. So leave it in yesteryear now. In yesteryear. Can't outrun the fires born of the violence you've endured. The hunter never half steps, his footsteps you'll never hear. His hand made steady by the love of those you endeavored to breed with fear. His arrow at the ready to pierce through your veneer. I think you can't outrun those fires born of the violence you've endured. Can't outrun those fires born of the violence you've endured. Black, tender, innocent. Audiomatic, cette séquence musicale se terminait sur la musique de l'artiste Robert Rich, de qui nous écoutions la pièce Calyx, tirée de l'album Medicine Box, paru en 2011. Et avant cela, nous entendions la pièce-titre du plus récent album Bark Out Thunder, Roar Out Lightning, composé par Christian Scott et repérable grâce à son pseudonyme Chief Adjoa. À noter que celui-ci sera présent au Festival international de jazz de Montréal pour un spectacle gratuit le 1er juillet sur la grande scène TD. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe américain LCD Sound System. We'll be right back. C'était à Audiomatic, la formation écossaise Mogwai, de son troisième album intitulé Rock Action et lancé en 2001. Nous entendions la pièce You Don't Know Jesus. Et pour amorcer cette séquence, nous vous avons présenté le groupe américain LCD Sound System mené par James Murphy de l'album Electric Lady Sessions, qui comprend des pièces qui ont été enregistrées live, mais non pas devant public, mais plutôt dans le studio new-yorkais Electric Lady Studios en 2018. Nous écoutions la reprise de la chanson Seconds, composé à l'origine par le groupe anglais Human League. C'est sur une composition du projet Clock Dévié que se terminera cette transmission 493 d'Audiomatic. Nous entendrons la pièce Phonophilia Machine, composée en 1978 et apparaissant sur le vinyle 7 pouces Flowers of Evagination, disponible à l'intérieur du coffret Horology Volume 1, qui regroupe des albums réalisés par Clock Dévié entre 1978 et 1980. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Clock Dévié et la composition Phonophilia Machine. C'était Audiomatic avec les Sonoristes.